Le directeur de l'Institut juridique du Centre d'études des problèmes internationaux a publié le 15 courant une communication à propos de la démarche de l'administration Trump qui se démène en nouvelles sanctions contre notre République en affichant une politique vis-à-vis de la Corée consistant à la pression suprême et à l'intervention. Il a souligné entre autres. Le 4 mai, la Chambre des représentants du Congrès américain a adopté un nouveau projet de loi sur les sanctions contre la Corée qui consiste principalement à élargir au maximum la sphère de sanctions séparées contre la Corée et à sanctionner les entreprises, formations et individus des pays étrangers qui font des affaires économiques avec la Corée ou emploient les ouvriers coréens. D'autre part, les États-Unis prétestent les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour essayer les pressions de sanctions et les blocus diplomatiques contre notre République. Surtout, ils intimident et menacent les autres pays et leurs entreprises et individus pour qu'ils n'aient pas des relations diplomatiques, économiques et commerciales normales avec la Corée. C'est là un crime anti-humain violant tous les principes du droit international, notamment la charte de l'ONU, puisqu'il vise la destruction complète de l'économie et de la vie de la population coréenne sous prétexte de la prévention de la prolifération nucléaire. Redoubler de la vigilance contre la pression de sanctions des États-Unis sur la Corée et s'y opposer est un moyen pour sauvegarder la souveraineté des pays intéressés ainsi que la paix et la sécurité mondiale. La sanction séparée que l'administration Trump tente de codifier est un crime anti-humain faisant partie des crimes de guerre et donc mérite un châtiment militaire résolu. Si l'administration Trump veut réellement tirer une leçon de la défaite de son prédécesseur et établir une nouvelle politique coréenne, elle est tenue de choisir la voie pour contribuer tant soit peu à la paix durable de la péninsule coréenne, surtout par le remplacement de l'accord de cessez-le-feu entre la Corée et les États-Unis par un accord de paix et la liquidation complète des rapports d'hostilité, et plus loin, à la paix et la sécurité dans le monde.